J'extirpe mes mains de mon manteau, mentalement tout bascule. La rigidité du froid me réveille, étrangement je prends du recul. Qu'il est savoureux de ressentir les connexions nerveuses en moi, de sentir mon sang bouillir comme pour réfréner le froid. Je veux vivre pour des centaines de raisons qui m'ont échappé jusqu'ici. Et si le désespoir revient, ben je le ferai fuir. La vie peut tirer autant de salve qu'elle veut pour m'atteindre. Je veux vivre pour la défier et qui plus est pour la vaincre. Et qui plus est pour la vaincre. Je ne peux pas feindre qu'elle m'ait déjà eu dans le collimateur, mais le colibri que j'étais s'est transformé en prédateur. Voilà mes incives sorties pour croquer tous les petits instants. J'étais en instance de bonheur, bah là tu me vois les deux pieds dedans. Le bonheur, je l'ai pris ferme, j'en voulais plus du sursis. C'était le sursaut salutaire conféré par mes amis. Mes compagnons de musicalité mais aussi de réflexion, tombés à point nommé, venus pour réaccorder mes violons. Je veux vivre pour profiter à fond de tous nos partages. Vos sourires, votre écoute ont étouffé ma rage. Une fois tournée la page de mes orages violents, me voilà voguant dans les nuages, une guitare au vent. Me voilà voguant dans les nuages, une guitare au vent. C'est bon de sentir le nylon des cordes au bout des doigts, d'absorber ton regard quand dans le mien tu te noies, de jouer avec les mots pour en faire surgir toute l'émotion, ou de dire je t'aime à mes amis car ça aussi c'est profond. Ou dire je t'aime à mes amis car ça aussi c'est profond. J'extirpe mes mains de mon manteau, mentalement tout bascule. La rigidité du froid me réveille, étrangement je prends du recul. Étrangement. Étrange que le froid m'inspire une infernale fournaise. Mais la vie c'est comme les poches, faut mettre les deux mains dedans. Cette analyse tu la prendras sûrement comme une foutaise. C'est pourtant ni plus ni moins que ce que je ressens. Ce n'est pourtant ni plus ni moins que ce que je ressens.